Ce mouvement de va-et-vient, comme si c'était trop tard de t'attraper demain. Il ne reste que l'écume des jours heureux, et les coquillages les plus faibles restent sur la plage. Le vent souffle dans nos cheveux, le ciel comme un mauvais présage. Les cigarettes se consument vite, et nous, ça sent rallumé de rage. Tu es parti sur un bateau sans fuel, je préfère économiser pour mieux voyager. L'étoile qui scintille me montre le nord, comme elle t'indique le même sens, je pars au sud et je refume encore. Les enfants jouent, mais ce ne sont pas les nôtres. Les amoureux, les masques, les intrus, ceux qui errent devant la mer, qui cherchent un dernier vécu. Le lendemain, ce ne sera plus pareil. Le lendemain, c'est coupé en deux.